Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui à l'émission, vous allez entendre Elias d'Italie, Morphelia d'Allemagne, Transatlantique, qui est une formation avec des musiciens qui viennent d'un peu partout, donc on peut qualifier ça de multinational. On aura Deadwood Forest des États-Unis, The Foxholes d'Espagne, Eye to Eye de France, et on va aller en Angleterre avec Moulette, Richard Barbieri, et on va conclure avec Airbag de la Norvège. Alors, pour ce premier bloc de l'émission qui est consacré à l'album de la semaine, eh bien, aujourd'hui, on a un album d'une formation italienne. La formation s'appelle Elias. Ils ont un album produit en 2020. L'album s'intitule The Second Son. C'est un album qui contient 7 pièces pour 44 minutes, donc c'est une durée à peu près moyenne là, dans les circonstances. Et ce sont 4 musiciens qui nous proposent 7 pièces. Et moi, j'en ai extrait 3, la Danza dei Due Mondi, The Second Son et Pitch Black. Alors, il va avec Elias. Thank you. Entendu avant la pause, c'est la formation italienne Elias et on a entendu trois extraits de l'album The Second Son. Maintenant, on va aller du côté de l'Allemagne avec la formation Morphelia. C'est un groupe de rock progressif moderne avec deux albums. Le premier paru en 2003 qui s'intitule Prognocircus et celui de 2009 c'est Waken the Nightmare. Et c'est extrait de cet album-là qu'on a choisi la pièce In the Hall of Stormy Oceans. Ensuite, il y a un super groupe qui s'appelle Transatlantique. C'est un groupe formé de musiciens très connus. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il y a Neil Morse qui nous vient de la formation Spock's Beard. Il y a Ron Stolt à la guitare qui, lui, vient de du groupe The Flower Kings. On a Pete Trewavas de Marillion et Mike Portnoy à la batterie. Lui, nous vient de Dream Theater. Alors, ils ont sorti un album double qui s'intitule The Absolute Universe Forevermore. Et ça, l'album double, c'est ce qu'on appelle The Extended Version. Et il y a eu aussi en même temps la version abrégée et qui est composée d'à peu près les mêmes chansons, mais remaniée et proposée de façon différente avec des paroles différentes aussi. J'ai donc extrait de la version abrégée deux pièces. La première s'intitule Overture et la deuxième The Darkness in the Light. Mais avant ça, on débute avec Morphelia d'Allemagne. first light fall from the roof, it makes me nervous. It makes me remember of the house. The dark side seems to be so far away now, when I awake on this beautiful shore. Thank you. like stranded ships moved on dry land, deep in the sand. And silent wrecks covered with soil, a ship of foam. When waves of blood are rolling to the shore in eternity, meanwhile a silent prayer to the Lord from the deep of the sea. Traded their life for a glass full of tears, our glass. When the sand's running out and the ending is so near, for the last ship a man climbed aboard, set sails for the sea. The ship was his coffin the moment he was leaving. Runaway sails, no coming back. The battle's done, there's chaos all around us. Fragments of the fleet drifting away. The smell of death came gently from behind me and offers me a deep grave of my soul. Now he is gone far behind me, now he is gone hopefully. When will I know it's over? Yes, it's over. When will I know I am free? Captain, Captain, what's your secret? Come on, tell me, 'cause I will know. I'm looking for your absolution, for a chance to fight the fallout door. Just bring it to a good conclusion, stop the nightmare of this ancient man. No more conquest, no more revolution, we have to fight it till the bitter end. Choice inside, the answer shining bright. And so we sail into the dawn. It is because we gently must have known. I just keep traveling over the ocean. A total recall of my emotions. There was something in the air. I should have known. There was something in the air. Something in the air. I should have known. I just keep traveling over the ocean. A total eclipse of my emotions. We'll be right back.

Ce que vous avez entendu avant la pause, c'était la formation multinationale Transatlantique et deux extraits de leur plus récent album The Absolute Universe. Alors, pour débuter le deuxième bloc de l'émission, eh bien, j'ai un auditeur de Shawinigan, il s'appelle Patrick Martin, qui nous propose un groupe américain du nom de Deadwood Forest. C'est un groupe que je connaissais pas. Ils ont deux albums studio, le premier qui est paru en 1998, alors c'est un album homonyme, et il y a eu l'année suivante, Mélodramatique, et c'est de cet album-là que j'ai extrait la pièce King of the Skies. Alors un gros merci à Patrick Martin de Shawinigan pour nous proposer toujours des suggestions très pertinentes. Ça va être suivi de Foxhole. C'est un groupe de l'Espagne qui a 9 albums studio. C'est assez éclectique comme palette. Et le plus récent album paru en septembre 2020, mais il s'intitule Foxholesque. Et je vous propose la pièce titre. Et on va conclure avec une formation française du nom de Eye to Eye. Ils ont 5 albums studio à leur actif entre 2006 et 2020, et il y a aussi une compilation qui est parue il y a quelques semaines, et c'est de cette compilation-là que j'ai extrait la pièce « If Only ». Alors, on débute ça avec « Deadwood Forest ». your eyes are shining, shining on lands we once couldn't see. Ties to bonds of clone and character, look towards the ground and let us be free. Your eyes are shining, shining on lands we once couldn't see. Tie us to bonds of clone and character, look towards the ground and let us. Je rappelle aux auditeurs que toute l'information concernant la musique qui est diffusée lors de l'émission, elle est disponible sur la page Facebook de Rock de Neurones. Maintenant, j'ai une demande spéciale d'une fidèle auditrice de Saint-Roch-sur-le-Richelieu. Il s'agit de France. C'est une auditrice qui est fidèle depuis les tout débuts de l'émission. Et à chaque année, au printemps, elle fait une demande spéciale concernant du rock progressif au féminin. Alors, aujourd'hui, pour rencontrer son désir, j'ai deux extraits de deux albums différents de la formation Moulette d'Angleterre. La première, c'est la pièce Underwater Painter tiré de Preternatural, et ensuite on aura Between Two Mirrors tiré de Constellation. Ensuite on aura Richard Barbieri qui est le claviériste de la formation Porcupine Tree, qui depuis la dissolution du groupe travaille énormément. Il fait des associations avec plusieurs musiciens reconnus comme Tim Bonus, par exemple. Mais il a aussi une carrière solo et il vient de faire paraître Under a Spell, qui est une musique assez expérimentale au clavier. Et la pièce que j'ai choisie, c'est Flare 2. Ensuite, on va conclure avec une autre demande spéciale de Yves de Saint-Augustin de Desmaures. Lui nous demande Airbag et c'est extrait du dernier album qui est paru en 2020, A Day at the Beach, que je propose la pièce Into the Unknown. If you're not really looking, then you won't see. Color match for color. Meticulously, way down in the dark, mysterious deep. Many are the strange creatures that never sleep. love come to find you hide and seek. Memory's a river, it runs forever, and the source is you. All come to fruition, your experience is in full bloom. Your thoughts are all in orbit and at the center, the fire's alight. Crossed over the boundary to new territory, taking flight. Paradise that's singing every silver tree. Hanging in the branches, there are tokens that you left for me to find. The landscape is a labyrinth with echoes splitting every sound. Lost in the reflection of a person who can't be found. Since you are no stranger to wakefulness's clutch, when we dream we are together, so close we almost touch. Your eyes are truly a window into another world where we could go. Thank you. from this endless stream of faces. Stay with me, and I'll try to hold on. I'll try not to fall into the deep blue ocean. I